Toujours un 9 sous le bed. Toujours un trait dans le coin. Toi tu fais rien, tu me dead. En deux ans, je coffre 100 points. Bah oui, j'avoue, c'est chaud, ma gueule. J'avoue, c'est chaud, ma gueule. Capuché Stone Island. J'prends la taille, j'comate seul. Bah oui, j'ai de la bonne. Moula, c'est de la foutre. Et puis rien à foutre de ce qu'ils pensent. Sous une si j'danse. Surveille les finances. Y'a la stup, peu fera marocaine. La frappe à Robin. Fais tourner. Ouais, fais tourner. On rentre chez toi quand t'es pas là. Et ce soir la lune est pleine. J'ai vidé mes peines. Je les ai chargés dans une cala. Je marche avec douleur et peine. Sur le béton j'ai fleuri. Toujours la foi et la furie. Faut que les nouveaux et les puristes. La zone à haut risque. J'allais péter des touristes. Mon chemin c'est pas celui des choristes. Sombre vida. Des échos sur la lica. Je vais rentrer 5 ou 6K. Et merci la musica. Sur le terrain je me roule un méga. Je suis le meilleur buteur de la liga. Je suis dans la villa. Je me balade avec un t-shirt sur la tête. J'ai frit sur la quête. Depuis que je l'ai niqué, elle se la pète. Et avant minuit elle sera prête. Au studio comme à la maison, j'allume mon pilon, je me sers un verre. J'ai tout mis dans la cargaison, j'ai de l'amnésia pour les 4 saisons. Au studio comme à la maison, j'allume mon pilon, je me sers un verre. J'ai tout mis dans la cargaison, j'ai de l'amnésia pour les 4 saisons. Toujours un 9 sous le bed, toujours un trait dans le coin. Toi tu fais rien, tu me dead. En deux ans, je coffre 100 points. Bah oui, j'avoue, c'est chaud, ma gueule. J'avoue, c'est chaud, ma gueule. Capuché Stone Island. J'vois la taille, j'commande seul. Ben oui, j'ai de la bonne. Moula, c'est de la foutre. Et puis rien à foutre de ce qu'ils pensent. Sous une si j'danse. Surveille les finances. Y'a la stup, peu fera marocaine. La frappe à Robin. Fais tourner. Ouais, fais tourner. J'tourne en vie, j'suis rabat dans la mégane. J'ai caché la patate dans la hogan. Ouais, il me faut 2-4-4, t'es trop bécane. Y'a aussi de la salade pour les véganes. On retrouve ton cadavre dans la montagne. Moi, c'est pas des bâtards qui m'accompagnent. C'est la mentale, nous on parle pas, c'est la mentale. Je reviens de la haine, j'ai pas temps pour elle. Elle veut du Chanel, moi je veux manger elle. Pour faire plaisir aux haines, on fait partir le miel. Je coupe les lamelles, au taille des lamelles. Au taille des lamelles, mucho dinero. Le guetteur sur un vélo, on fait partir le miel. Au studio comme à la maison, j'allume mon pilon, je me sers un verre. J'ai tout mis dans la cargaison, j'ai de l'amnésia pour les 4 saisons. Au studio comme à la maison, j'allume mon pilon, je me sers un verre. J'ai tout mis dans la cargaison, j'ai de l'amnésia pour les 4 saisons. Toujours un 9 sous le bed, toujours un trait dans le coin. Toi tu fais rien, tu me dead. En deux ans, je coffre 100 points, ben oui, j'avoue c'est chaud, ma gueule. J'avoue c'est chaud, ma gueule. Capuché Stone Island. J'vois la taille, j'commate seul. Ben oui, j'ai de la bonne. Moula, c'est de la foutre. Et puis rien à foutre de ce qu'ils pensent. Sous une assistance, surveille les finances. Y'a la stupe.